Chapitre 7e. Lompré-sur-Oise comptait à peine un millier d'habitants. Encore était-il divisé en trois classes, en trois castes, pourrait-on dire, aussi séparés que jamais le furent dans l'ancienne Égypte. En haut, sur la côte, au-delà de l'Arbette, les paysans, parqués dans leurs champs, aux visages impénétrables, aux avarices tenaces et aux infatigables labeurs. En bas, au cœur du village, la grande rue, le tiers-état, les petits commerçants, deux bouchers, deux fruitiers, deux épiciers, trois ou quatre débits de vin, un café sur la grande place célèbre par ses ormes séculaires. Cela, avenant pour tout le monde, mais adversaire instinctif des gens d'en haut, des croquants, comme ils les appelaient. Parallèle à la grande rue, une avenue, large, bordée de propriétés taillées dans les domaines de l'ancien château, 20 fois vendue et revendue depuis la Révolution. Là, les gros propriétaires demeuraient, respectés des commerçants et des paysans, considérés parce qu'ils faisaient aller le pays, désignés d'avance aux fonctions municipales, donc ménageant ceux-ci et ceux-là, désireux avant tout de conserver les votes. Parmi eux, M. Desroches, à qui on reprochait bien tout bas de consacrer tous les fonds de la commune à améliorer les routes qui aboutissaient à sa propriété, mais qu'on craignait et qu'on flattait. Autour de lui, les conseillers municipaux, importants, indiscutés, riches. La grande rue et l'avenue formaient le centre du pays. C'était là que battait le cœur de Lompré-sur-Oise, le cœur administratif s'entend. Enfin, plus près des bords de l'Oise, s'épandant sur la berge, la caste dite des Parisiens, c'est-à-dire de ceux qui venaient chaque année s'installer pour la belle saison. Quelques-uns finissaient bien par se fixer dans le pays, comme Loisy et M. Berthemont. Mais il fallait plusieurs générations avant qu'ils perdissent ce nom de Parisiens, qu'ils les notaient comme des étrangers. En général, d'ailleurs, ces Parisiens se mêlaient peu au reste du pays. Ils avaient leurs connaissances, leurs habitudes à Paris. Chaque dimanche d'été, c'était, chez la plupart d'entre eux, une invasion de citadins qui avaient le grand tour, si d'aventure ils parcouraient la grande rue, de n'admirer point le pavé pointu, les maisons noirâtres et de témoigner de leur peu de sympathie pour les effluves chauds du fumier jaillissant en bouffées au travers des portes mal fermées. Pour les répartiteurs de l'impôt, les Parisiens restaient corvéables à merci. Aucun d'eux ne tentait d'ailleurs de s'immiscer dans les affaires communales. Ils étaient sur la lisière de la petite ville, renfermés chez eux comme Loisy, dédaigneux comme Berthemont ou absents comme bien d'autres. De ce qui se passait à Lompré, des petites querelles de clochers, voire même des menus événements qui défrayaient la chronique des causeries de la grande rue ou du café, ils ignoraient tout, n'apprenant que par occasion, et le plus souvent bien longtemps après, les bruits et les cancans qui, parfois, ne se faisaient pas faute de les viser eux-mêmes. Le seul intermédiaire entre le centre et ses lointains rayons, c'étaient les fournisseurs ou encore les femmes en journée qui étaient appelées chez les uns ou les autres. Ce fut ainsi qu'un matin de mai, Madame Laurent, qui 2 fois la semaine venait faire la lessive chez M. Berthemont, fit part à Gabriel de circonstances qui frappèrent vivement la jeune fille. Un braconnier, bien connu dans le pays à ce qu'il paraît, avait violemment résisté à un des gardes du château et l'avait même blessé assez grièvement. Il avait été arrêté et transféré à Beauvais, où il était actuellement en prison. Jusque-là, rien d'intéressant pour Gabriel qui, selon son habitude, prêtait fort peu d'attention à l'intarissable caquetage de la brave femme. Mais celle-ci ajouta. « Le plus drôle, c'est qu'à ce qu'on dit, Voisineau, ainsi s'appelait le braconnier, était porteur d'un magnifique fusil de chasse et que ce fusil serait celui qui appartenait à M. Georges Loisy et qu'on n'avait jamais retrouvé. » Gabriel, au nom de Georges, avait relevé vivement la tête et avait écouté attentivement. Elle avait dit à son père la vérité, toute la vérité. Elle avait aimé Georges de toute la puissance d'un premier amour, amour de cœur, de sympathie, ayant toutes les douceurs et toutes les naïvetés de la jeunesse. Sous la grisaille que posait sur sa vie la perpétuelle réclusion à laquelle elle s'était soumise, en acceptant d'habiter la campagne avec son père, en cette jeune fille tout était clarté, lumière, franchise. Il y avait 2 ans qu'elle avait vu Georges pour la première fois, et tout de suite il l'avait conquise, non qu'il lui fait la cour. Immédiatement, il s'était senti camarade, confident intime. Georges avait cette qualité, ou ce défaut, de ne rien savoir dissimuler. Gabriel lui avait plu, il en avait fait son ami. 8 jours ne s'étaient pas écoulés que les deux jeunes gens semblaient avoir toujours vécu ensemble. Il ne lui parlait pas d'amour, il lui parlait comme à une compagne, à une amie, à une sœur. Seule, elle avait su quels étaient ses plans d'avenir, les études auxquelles il se livrait. Il travaillait depuis plus de 2 ans à la solution d'un problème de chimie industrielle et était sûr du succès. Il lui avait confié tout naturellement ce qu'il cachait même à son père, à sa mère, voulant les surprendre par le succès inattendu. Elle s'était abandonnée, heureuse et confiante, à cette amitié dans laquelle rien ne pouvait lui montrer un péril absent. Georges l'aimait-il d'amour? En vérité, il ne s'était pas interrogé. Mais s'il l'eût fait, il se fût répondu à lui-même que Gabrielle était la femme désignée par son cœur pour sa compagne d'avenir. Très gaie, ayant ce joyeux langage du parisien de bon goût qui met une malice sous le mot le plus simple, il laissait en parlant dans l'âme de Gabrielle un sillage de joie saine et réconfortante. Quand il se revoyait, il se serrait les mains, franchement, devant tous, se retrouvant comme deux camarades qu'un voyage a momentanément séparés. Hélas, de son dernier voyage, Georges ne devait plus revenir. La douleur de Gabrielle était profonde, attachée aux racines mêmes de son cœur. C'était une sensation navrante de chute dans le vide. Elle savait le motif de la réclusion de son père. Madame Berthemont avait quitté son mari, il y avait de cela près de 15 ans, abandonnant sa fille. Où était-elle? On l'ignorait. L'homme pour qui elle avait déserté le foyer était le fils d'un ami de M. Desroches, ce qui expliquait la glaciale froideur qui séparait ces deux hommes. M. Desroches était blessé de l'espèce de solidarité que M. Berthemont semblait lui attribuer par son attitude plus que réservée. Berthemont, lui, ne faisait que souffrir en voyant un homme qui lui rappelait la catastrophe qui avait brisé sa vie. Il avait élevé sa fille, mais triste, il l'avait attristée sans le vouloir. Il était bon père, mais il avait la paternité plus indulgente que tendre. Le vrai père, celui qui a les bontés et les intelligences maternelles, ne commence qu'au grand-père. Monsieur Berthemont avait élevé soigneusement sa fille, il avait rempli son devoir, plus que son devoir. Mais entre lui et elle, il y avait cette barrière d'autorité qui empêche l'intimité douce et abandonnée. Il lui eût donné sa vie sans hésiter, il n'avait jamais su l'embrasser. Non qu'elle eût conscience de tout cela. Son affection pour son père se doublait de la pitié que lui inspirait son chagrin latent et mal dissimulé. Mais aussi, elle s'expliquait mieux encore la sympathie subite, la confiance radieuse qu'elle avait donnée à Georges. Et il était mort. Et de nouveau, elle s'était sentie seule, plus seule, par le vide fait en son cœur. Elle n'avait pu croire à un accident. Pourquoi? Il lui était impossible de le dire. Certaines idées s'implantent au cerveau en dépit de tout raisonnement. Elle n'admettait pas qu'il pût avoir péri ainsi, niaisement, en quelque sorte, par suite d'un accident banal. Elle le savait fort, adroit à tous les exercices du corps, et notamment nageur exceptionnel. Elle était convaincue qu'il ne se serait pas noyé dans l'Arvette. Si quelqu'un... Mais qui? Un souvenir l'obsédait étrangement, quoiqu'elle s'efforçât de le chasser. Un jour, Georges, parlant de son frère, lui avait dit « Ce gars-là a une mauvaise nature. Il me déteste, je le sais, je le sens. S'il pouvait me tordre le cou, il le ferait. Mais ce n'est pas sa faute, et je l'aime bien tout de même. C'est un névrosé, sinon un fou. » Tout d'abord, elle l'avait soupçonné. Mais aucune preuve n'était venue confirmer ses doutes. Seulement, elle avait remarqué son immobilité en face du cadavre de son frère. Certaines nuances l'avaient frappée, impliquant de sa part comme une sorte de soulagement. C'était tout. L'enquête avait établi qu'il avait quitté Georges depuis de longues heures lorsque la catastrophe s'était produite. Maintenant, il était tout dévoué à son père. Il y avait évidemment un bon côté dans cette nature malingre. Il n'était pas coupable de la mort de son frère. Et pourtant, la persuasion lui restait invincible que Georges avait été assassiné. Aussi, le mot de Madame Laurent lui causa-t-il une émotion si vive qu'elle sentit son cœur se contracter. Elle se contint cependant et reprit. « Le fusil de Monsieur Georges, dit-elle, mais alors on doit le soupçonner ?»« De l'avoir volé. Dame, nous ne savons pas. Paraît que Voisineau dit l'avoir trouvé sur le bord de l'Arbède. C'est possible. Voisineau est un braconnier. Ça ne veut pas dire que ce soit un mauvais homme. Chacun gagne sa vie comme il peut. » Jamais le peuple ne confondra les braconniers avec les criminels de droit commun. Il y a là un vague souvenir du temps où la terre et ses fruits n'appartenaient à personne et appartenaient à tous. Gabrielle questionna, anxieuse, mais Madame Laurent ne savait rien de plus, seulement elle ajouta « Pour moi, je ne pense pas que ce soit celui-là qui ait tué M. Georges. Tuer M. Georges? Vous croyez donc à un assassinat? C'est pas. Toujours est-il que dans le pays, ça a toujours semblé louche et qu'il y ait des idées qui courent. Ainsi, Gabrielle n'était pas seule à avoir conçu d'horribles soupçons. Encore, elle s'interrogea, mais en vain. La brave femme ne mettait d'ailleurs aucune réserve intentionnelle à ses réponses. Il y avait des bruits, comme ça. Ils avaient commencé dès le lendemain. On disait même qu'il y en avait qui en savaient long et qui pourraient mener des gens plus loin qu'ils ne voudraient. Quels étaient ces accusateurs mystérieux? Qui visait ces suppositions? Pour ça, elle n'en savait rien. Ça n'était pas son affaire, et puis il en cuisait quelquefois pour s'occuper de ceux qui ne vous regardaient pas. Rien de plus. Gabrielle, énervée, cherchait en vain à lui arracher un détail, un indice. Elle se sentait saisie d'une âpre volonté de chercher, de savoir. Ces rumeurs vagues, tout à coup révélées, prenaient à ses yeux une importance formidable. Madame Laurent, qui n'était point niaise, ne faillit point à s'apercevoir de son émotion. Ceci confirmait un autre bruit qui avait couru le pays, que Mademoiselle Berthemont était la bonne amie de M. Georges. On ne s'était pas si fort trompé après tout, si les mots ne disaient que ce qu'ils disent. « Ah, ma pauvre demoiselle, » dit-elle, « ça a été une bien grande perte. Il était si bon, et puis beau garçon. » « Écoutez, Madame Laurent, » dit brusquement Gabriel, « voulez-vous me rendre un service ?»« Volontiers. Pour vous, je me jetterai dans le feu. » Au fond, elle n'avait aucune raison pour détester Gabriel, qui était polie et bienveillante. « Eh bien, tâchez de savoir qui a vu ou croit avoir vu quelque chose. Soyez discrète et dites-moi tout ce que vous apprendrez. » « Ça ne sera pas grand-chose, bien sûr. Il est vrai que je n'ai pas cherché à savoir. Moi, je déteste les cancans. Ça monte par une oreille, mais pour vous, je ferai pour le mieux. » Madame Laurent était partie. Si c'était vrai, pourtant, si Georges avait été assassiné, si, quelque part, tout près, rôdait le misérable qui l'avait frappé, si Gabrielle l'avait vu, si elle l'avait rencontré, si elle lui avait parlé, non, ce n'était pas possible. Un instinct secret l'aurait averti, elle aurait lu la vérité sur le front du criminel. Qui donc? Qui donc? Si elle en parlait à son père. Une sorte de crainte pudique la retenait. M. Berthemont avait accueilli avec son indulgence ordinaire l'aveu que lui avait arraché l'âpreté de sa douleur récente. Il aimait Georges, et sa réponse n'avait pas été équivoque. Il eût agréé cette union. Mais depuis lors, par une discrétion miséricordieuse, jamais il ne s'était arrêté sur ce sujet qui ravivait les douleurs de sa fille. De plus, il n'avait manifesté aucun soupçon, ayant accepté sans mot dire les affirmations de l'enquête rapide. Peut-être traiterait-il de visions chimériques ces hypothèses qui ne s'appuyaient sur aucun fait précis. Soit, elle attendrait. Elle réfléchirait longuement, remontant un à un les degrés de son calvaire douloureux, étudiant les faits, même les plus insignifiants. Comme elle songeait, son père vint la rejoindre. « Je ne sais ce qui se passe, dit-il, mais Madame Loisy m'envoie chercher par Thomas. Je sors un instant. » Gabrielle s'était dressée, un peu pâle. Tout ce qui se rattachait à son idée fixe lui semblait un pas vers la découverte de la vérité. « Madame Loisy, dit-elle, veux-tu que je t'accompagne? Oh, à quoi bon? Nous ne sommes plus accueillis, comme autrefois. C'est vrai, mais qu'importe si on a besoin de nous. « Je ne refuse pas de t'emmener, quoique Thomas n'ait parlé que de moi. Il s'agit, paraît-il, d'un braconnier. Un braconnier? Je viens, mon père. » Et s'enveloppant les cheveux d'un voile croisé sur la poitrine, Gabrielle ouvrit la porte et précéda son père. Thomas, la voyant, ôta sa casquette. Il aimait beaucoup Gabrielle, parce qu'il avait beaucoup aimé Georges. Thomas était un ancien soldat. Il portait moustache grisonnante et barbiche longue. Très maigre, il était vigoureux, même brutal. On l'accusait d'être en dessous, et aussi grognon. En vérité, il causait peu et se contentait de murmurer sans cesse des mots que lui seul comprenait. Il détestait être contredit et son entêtement était passé en proverbe dans le pays. On disait têtu comme Thomas. Gabriel l'interrogea à voix basse. « Que se passe-t-il donc ?»« Je n'en sais rien, » répondit-il avec brusquerie. Toujours est-il qu'il pourrait bien trop prouver que je n'avais pas si grand tort quand je disais... » Il s'arrêta, mâchant sa moustache, achevant sa phrase dans une sorte de grondement incompréhensible. « Quand vous disiez ?» répéta Gabriel. Mais subitement, Thomas avait allongé le pas. La rue de la Prairie, qui longeait la propriété des Loisy du côté opposé à la berge de l'Oise, était remplie de monde. Deux gendarmes étaient postés devant la petite porte. Deux autres gendarmes gardaient le perron. Gabriel sentait son cœur se serrer, comme à l'approche d'un événement imprévu et décisif. M. Berthemont entra le premier, traversa le vestibule et ouvrit la porte de la grande salle. Là, un homme était debout, les menottes aux mains, hâve, hirsute, mais droit et presque arrogant. Un gendarme se tenait derrière lui. À quelque distance, un autre groupe formé par le maire, M. Desroches, un personnage qui devait être un juge d'instruction accompagné de son greffier, enfin Mme Loisy, qui sanglotait, le visage caché dans son mouchoir, chancelante, désespérée, et le curé Lampequin, très rouge. Dès que Gabriel apparut, Mme Loisy courut à elle. « Ah, que je vous remercie d'être venue, » dit-elle. « J'avais oublié de vous faire demander. Maintenant, je puis appeler Abel. Ces messieurs ne veulent pas comprendre que mon mari ne peut rester seul et il ne veut qu'Abel auprès de lui. Cependant, vous, Gabriel, vous pourrez un instant remplacer mon fils, je l'espère du moins. » Sur la table de jeu, un fusil était posé, arme de luxe, mais dont le canon était rouillé. Sur la crosse, une plaque d'argent portait les initiales de Georges Loisy. « Croyez bien, madame, dit le juge d'instruction, que nous prenons vivement part à votre affliction. Ce n'est pas par caprice que nous insistons sur la présence nécessaire de votre fils, mais son témoignage nous paraît indispensable pour discuter les allégations, évidemment fausses, de l'accusé. « Venez donc, » dit Madame Loisy à Gabriel. Dans la pièce voisine, Loisy était étendu dans son fauteuil, immobile. L'arrivée des gendarmes, de ces inconnus, qui avaient pénétré dans le jardin sans précaution, avait provoqué chez lui une émotion naturellement fâcheuse en raison de son état d'excessive sensibilité. Mais une circonstance spéciale avait singulièrement contribué à augmenter son trouble et influer sur ses nerfs débilités. Abel tournait le dos à la porte, parlant à son père. Voyant ses traits se contracter, il avait deviné que quelque chose d'anormal se passait derrière lui et s'était brusquement retourné. Était-ce son rêve qui prenait corps, son hallucination qui soudainement se transformait en réalité? Il avait vu les gendarmes. Un roupement sourd, atroce, s'était échappé de sa gorge contractée. Son père le regardait. Il voyait cette bouche qui se tordait, ses yeux dilatés par une terreur intense, ce corps qui tremblait tout entier. « Abel, Abel, qu'as-tu donc ?» Il jeta ces mots dans un effort de toutes ses mâchoires alourdies. Mais déjà Abel, s'élançant vers lui, avait saisi son bras, l'avait forcé de se lever. Puis, le soutenant avec une vigueur doublée par la tension de tous ses nerfs, il l'avait entraîné par une allée détournée vers la maison. Ils étaient entrés par derrière sans être vus. Là, étant parvenu à la chambre, Abel avait poussé l'impotent dans un fauteuil, et l'abandonnant, il avait couru à la porte, où, courbé en deux, tremblant nerveusement, il avait appliqué son oreille contre le panneau. Sur M. Loisy, la réaction de cette épouvante avait été si puissante que le malheureux, qui ne comprenait pas, frissonnait lui aussi dans un incoercible tressautement de tous ses membres. Il pleurait, des gémissements inarticulés s'échappaient de ses lèvres. « Mais tais-toi donc !» fit brutalement Abel en lui imposant silence d'un geste violent. L'hémiplégique eut peur d'avoir commis quelque faute, comme un enfant qu'on va châtier, et il disait, à voix basse maintenant, « Abel, Abel, viens donc, je t'en prie, je t'en prie !» Abel écoutait. Que se passait-il de l'autre côté de ce panneau de bois? Il entendait des pas lourds, puis un traînement de sabre. Il ne savait pas, ayant eu la vue trop troublée, combien de personnages étaient là. Il n'avait pas entrevu le braconnier. Les voix ronronnaient sans lui apporter aucun son distinct, car une portière, disposée de l'autre côté pour empêcher le vent de pénétrer dans la chambre du malade, obstruait encore le bruit. Les minutes se passaient et il ne savait rien. Est-ce qu'on l'accusait là, à quelques pas de lui? Comment s'évadrait-il? Il était perdu, perdu sans ressources, et alors, dans son cerveau torturé, l'hallucination des nuits revenait, plus claire, plus nette, plus empreinte de réalité. Puis il comprit que sa mère allait entrer. Il s'écarta vivement, revint vers son père et se mit à genoux auprès de lui, ayant pris une de ses mains et l'ayant posée sur sa tête, comme dans un geste ordonné de protection. Il lui disait tout bas, « Il faut que je reste là, m'entends-tu? Il ne faut pas que je te quitte. » Madame Loisy entra. Elle vit le visage décomposé de son mari et, troublée, elle ne trouvait plus les mots dont elle avait besoin. Loisy répéta machinalement et sans attendre la question, « Abel doit rester là. Je ne veux pas qu'il me quitte. Non, non. » Encore il pleurait et de grosses larmes tombaient de ses paupières amollies. « Pour un instant seulement, » dit Madame Loisy, ce sont des personnes qui ont un renseignement à demander à Abel. Non, non, répétait Loisy avec entêtement. Abel avait simulé un mouvement comme pour s'éloigner de lui. Mais la main du paralytique avait glissé de ses cheveux à son épaule et il le retenait bien faiblement, il est vrai. « Ne peut-on se passer de moi ?» dit Abel. « Tu vois, père ne veut pas que je le quitte. » Madame Loisy avait dû céder. C'était alors qu'elle avait prié le magistrat de renoncer à cette comparution. Sur ces entrefaites, Berthemont et sa fille étaient arrivés. Loisy n'avait jamais témoigné d'éloignement pour Gabriel. S'il se sentait parfois importune, c'était quand le regard froid et dur d'Abel se posait sur elle, comme pour lui demander à quel titre elle s'imposait à lui. Madame Loisy la prit par la main et rentra dans la chambre. Son retour avait été si prompt, si imprévu, qu'Abel, l'oreille de nouveau collée à la porte, n'avait pas eu le temps de se rejeter en arrière. Il apparut dans le cadre, pâle et presque hagard. Madame Loisy ne s'était point aperçue de l'incident que seul Gabriel avait remarqué. Dans son trouble d'être surpris, Abel fit un pas en avant. Il était dans la salle. Gabriel alla vivement vers M. Loisy qui, cette fois, accepta la substitution sans protester. « Voici mon fils, messieurs, » dit Madame Loisy. « Monsieur, » dit à son tour le magistrat, « nous savons à quel pieux devoir nous vous arrachons, mais nous ne vous séparerons pas bien longtemps de votre père. Il s'agit, vous l'avez deviné, du triste événement qui a mis fin au jour de votre frère. Veuillez regarder ce fusil et nous dire si vous le reconnaissez. » Abel, par un vaillant effort de volonté, avait imposé le calme à son visage et le repos à sa voix. Il se pencha vers le fusil, le toucha, mit en évidence la plaque d'argent et répondit « C'est le fusil de mon frère. C'est bien celui qu'il portait au jour de sa mort, oui, monsieur. Voici un point établi. Et d'ailleurs, ajouta-t-il en se tournant vers le braconnier qui était très calme, vous reconnaissez vous-même que c'est le fusil de M. Georges Loisy. J'ai jamais nié ça, dit Voisineau. Alors pourquoi chercher à tromper la justice? Moi, je ne cherche rien. Si fait, vous dites que vous avez trouvé ce fusil sur le bord de l'Arbette à 10 heures du matin. Or, d'après les renseignements pris, d'après le rapport du médecin qui a examiné le cadavre du noyé, la mort n'a eu lieu qu'entre 5 et 8 heures du soir. Je ne sais rien du rapport, ni de rien du tout. Je dis ce qui est. Je m'en revenais le long de l'Arbette, je ne m'en cache pas, je relevais des collets. C'est mon métier et j'en rougis pas. Il était dans les 10 heures, 10 heures un quart. Bien sûr que j'ai pas de montre. Le fusil était par terre, à 1 mètre tout au plus de la rivière. Tiens, que je me suis dit, v'là un particulier qui a perdu son fusil. Je me suis baissé et j'ai reconnu alors le fusil de M. Georges. Comment le connaissiez-vous? Oh, il n'était pas fier, M. Georges, et plus d'une fois je l'ai conduit dans les bois aux bons endroits, et même que souvent j'ai tiré un coup ou deux avec. Et vous avez emporté cette arme? Bien vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit que je le rendrais à M. Georges. Je devais venir à Lompré le lendemain, ce serait l'affaire. Il n'y avait donc pas de mal à m'en aller avec le fusil. Cependant, vous ne l'avez pas restitué, vous l'avez gardé. Quand j'ai su que M. Georges s'était noyé, ce qui est bien drôle, entre parenthèses, j'ai tardé à venir ici. Vous savez ce que c'est, un jour pousse l'autre. Bref, le fusil était bon, je ne faisais de tort à personne, je m'en suis servi. « Monsieur Abel Loisy, » dit le juge d'instruction, « vous avez entendu, que pensez-vous de ce récit ?»« Je crois, » dit nettement Abel, « que Voisineau, car je le connais moi aussi, dit à peu près la vérité. » « Qu'entendez-vous par « à peu près » J'entends que nous sommes en désaccord sur l'heure où le fusil a été trouvé. Ah, et selon vous, cette heure serait dans la soirée. Sur quoi vous appuyez-vous? Sur ce fait très simple que le matin j'ai conduit moi-même mon frère dans une toute autre direction, que je ne l'ai quitté qu'à 9 heures, se dirigeant à travers champs du côté de Ville-Girard, et que c'est évidemment à son retour que l'accident a eu lieu. Jusque-là, mon frère devait être porteur de son fusil. « Qu'avez-vous à répondre ?» dit le juge au braconnier. « Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je sais ce que je sais, je l'ai trouvé à 10 heures du matin, c'est tout. » « Nous ne comprenons rien à cette obstination, » reprit sévèrement le magistrat. « Songez qu'elle vous compromet grandement. Un mensonge autorise tous les soupçons. Qui nous dit que ce n'est pas vous qui, pour voler cette arme, avez assassiné M. Georges Loisy? Moi? Ah, bon Dieu de bon Dieu! Tu es un homme qui ne vous a jamais fait de mal. Enfin, pourquoi vous obstinez-vous? À dire ce qui est vrai, mais parce que c'est vrai. J'aurais la tête sur le bio que je ne pourrais pas dire le contraire, et vraiment, je croirais plutôt qu'il y en a d'autres qui ont intérêt à mentir. Que veut dire cet homme? S'écria rageusement Abel. Que m'importe à moi que mon pauvre frère soit mort le matin ou le soir? Eh bien, monsieur le juge, demandez donc, je vous prie, à ce malfaiteur de quel côté il a trouvé le fusil de mon frère. Vous entendez, fit le juge, voulez-vous répondre à cette question? Pourquoi pas? Fit Voisineau, qui, accusé, semblait mieux conserver son sang-froid que le témoin. Le fusil était sur la rive gauche, du côté du bois. C'est-à-dire, reprit Abel, du côté opposé à celui où se trouve Lompré. Je précise pour que monsieur le juge comprenne bien. Il se croyait très maître de lui. Sa voix était sèche, avec des âpretés encolérées. Ce qu'il disait maintenant très haut, c'était l'argumentation que cent fois l'insomnie lui avait soufflée. « Eh bien oui, pardi, dit Voisineau, c'est pas malin à comprendre. »« Ce qui serait plus difficile à comprendre, en effet, reprit Abel, c'est que mon frère eût voulu passer à l'Arbette à 9 heures du matin, qu'il s'y fût noyé, et que pourtant son fusil fût arrivé tout seul de l'autre côté. » Il eut un moment de silence. Cet argument si net avait frappé tout le monde. Il avait même pris Boisineau à l'improviste. Mais Berthemont et surtout Thomas, qui se tenaient au fond de la pièce, avaient éprouvé une singulière impression de gêne, presque de dégoût, à la forme goguenarde donnée par Abel à sa démonstration. Abel continua. « Il est donc évident que Georges venait du côté de Ville-Girard. Or, comme à 9 heures du matin je l'ai quitté y allant, à plus de 3 kilomètres de là, il faut que le fusil se soit trouvé sur la berge à 10 heures. » « Mais qu'est-ce qui prouve qu'il ne soit pas revenu tout de suite ?» s'écria Boisineau. « Et puis enfin, à quoi bon discuter? Je n'ai pas la berlue, il était 10 heures du matin, qu'au diable, je le sais bien !» En vérité, la justice ne croyait pas à la criminalité de Boisineau. Et cependant, il y avait dans cet entêtement de mensonge quelque chose d'irritant, de mystérieux, qui nécessairement faisait naître une accusation plus grave qu'une simple échauffourée de braconnage. Le juge se sentait mis en défaut, et cette obstination le blessait. « Vous persistez à maintenir votre première déclaration ?» dit-il à Voisineau. « Ça m'ennuie à la fin !» cria le malheureux. « Oui, 100 fois oui, et ce n'est pas moi qui mens, c'est celui-là » Et de sa main, serrée de menottes, il désigna Abel. Madame Loisy intervint vivement. « Je vous demande pardon, monsieur le juge, mais nous avons la preuve que mon pauvre fils est mort à 8h30 du soir. Et quelle est cette preuve ? Sa montre, qui s'est arrêtée à 8h30. Elle n'a pas été remontée, jamais. » « Voudriez-vous nous la montrer ?» Madame Loisy alla au bahut de chêne qui couvrait un des panneaux, ouvrit un premier tiroir dans lequel se trouvait encastrée une case intérieure. Elle fit jouer un petit ressort et, prenant la montre, la déposa devant le juge. « Voilà qui est péremptoire, » dit celui-ci. « Monsieur Abel nous a déclaré tout à l'heure qu'il avait quitté son frère à 9 heures du matin. Cette heure est donc du soir. Car si mon frère était revenu tout de suite en longeant l'Arvette, » ajouta Abel avec volubilité, « il ne serait pas arrivé avant 10 heures ou 10h30 à l'endroit où on a trouvé son corps. » Et sa montre allait très bien, car il avait vérifié l'heure devant moi, le matin, sur l'horloge de l'église. « En allant auprès des chaumes, » s'écria Boisineau, « on ne passe pas devant l'église. »« Non, mais on l'entend sonner, je suppose, » riposta Abel. Boisineau haussa les épaules. Se sentant sous la main de la justice, il savait devoir être prudent. Sans quoi il eût encore bien mieux ergoté. « Greffier !» dit le juge. « Avez-vous rédigé la déposition de M. Abel Loisy ? Ajoutez-y ces derniers arguments qui sont décisifs. » Abel eut involontairement un mouvement de fierté. Il releva la tête et regarda tout le monde, en face, presque avec défi. Il avait subi l'épreuve et les avait trompés tous. Sa déclaration lui fut relue. Il l'écouta attentivement, puis il la signa, s'appliquant à ce que sa main parut solidement posée. Le juge présenta ses excuses respectueuses à Mme Loisy, en y ajoutant quelques paroles de condoléances, puis les gendarmes emmenèrent leur prisonnier. Abel dit simplement « Maintenant je vais retrouver mon père. » Comme il passait devant sa mère, elle l'attira contre sa poitrine et lui baisa les cheveux. C'était comme un sceau d'amour que sa maternité lui posait au front. « Attendez-moi, » dit-elle à M. Berthemont, « je vous ramènerai Gabriel. » L'ancien notaire resta seul avec Thomas. Celui-ci, qui n'avait pas bougé pendant toute la scène qui venait de se passer, tourna vivement la tête vers M. Berthemont et le regarda en face. « Monsieur, lui dit-il, pardon, excuse si je vous dis ça, mais tout ça n'est pas clair. « Que voulez-vous dire, Thomas ? » fit M. Berthemont, étonné surtout de la coïncidence de cette exclamation avec ses propres pensées. « Tenez, écoutez ça. Le fusil a été trouvé sur l'autre rive de l'Arbette et M. Abel dit que ça prouve que M. Georges venait de Ville-Girard. Alors, avant de vouloir traverser l'Arbette gelée, il aurait déposé son fusil sur la rive. Ça n'a pas le sens commun. C'est vrai. Mais cependant, s'il était venu de l'autre rive, il serait encore moins explicable que le fusil se fût trouvé du côté où Voisineau l'a ramassé. À moins qu'il ne fût pas seul. « Thomas !» Gabriel rentra. « Je suis à vous, mon père, » dit-elle. « Un instant, je vous en prie, » dit rapidement Thomas à voix basse. « Écoutez-moi tous les deux. Vous aimiez bien, monsieur Georges. Et moi donc ? Je vous dis que s'il était arrivé seul sur le bord de la Arbette, il serait passé avec son fusil, et qu'on aurait retrouvé le fusil dans l'eau et non sur la rive. Eh bien ? Demanda Gabriel, dont le cœur s'était subitement serré. Monsieur Berthemont la mit rapidement au courant de la déposition de Voisineau. « Mais Thomas a raison, fit-elle. Mes pressentiments ne me trompaient donc pas. Ce n'est pas tout. Je dis, accentua Thomas, que Voisineau ne ment pas quand il dit avoir trouvé le fusil à 10 heures du matin. Pourquoi soutient-on que M. Georges est mort le soir, quand ce n'est pas vrai ? En êtes-vous sûr ? Comment se fait-il que dans la journée, personne ne l'ait rencontré, aperçu seulement ? Il entrait ordinairement chez les paysans. Il s'arrêtait au petit cabaret, toujours gai et bon vivant. Je dis, moi, que c'est le matin qu'il est mort. Cependant, Abel, commença M. Berthemont. M. Abel dit ce qu'il veut dire, dit rudement Thomas. Je ne m'occupe pas de lui. Ainsi, dit Gabriel, M. Abel a soutenu qu'il connaissait l'heure de la mort de son frère. Il affirme ne l'avoir quitté qu'à 9 heures, auprès des chaumes. Eh bien, gronda Thomas, laissant échapper entre ses dents serrées ces mots qui le brûlaient depuis si longtemps. Ça n'est pas vrai, je le sais bien, moi. Thomas, prenez garde. Oui, oui, je me tais, surtout ici. Je ne peux pas en dire plus, mais ça me pèse trop, voyez-vous. Vous oubliez la montre, fit M. Berthemont, la désignant du doigt sur la table où on l'avait oubliée. Gabriel la prit. En effet, dit-elle, 8 heures 3 quarts. Savoir si c'est du matin ou du soir. À ce moment, Abel entra brusquement. Il vit la montre aux mains de Gabriel, courut à elle et la lui arrachant des mains. Pourquoi touchez-vous à ça ? Fit-il en la rejetant sur la table. On ne lui répondit pas. Les trois acteurs de cette scène, si insignifiante en apparence, si terrible au fond, échangèrent un coup d'œil et sans regarder Abel qui restait là, immobile et les dents serrées, ne comprenant rien, sinon qu'il avait cédé à l'antipathie que lui inspirait Gabriel, ils sortirent. À peine était-il dehors que Thomas s'éloigna rapidement. M. Berthemont l'appela. Le serviteur sembla ne pas entendre. Que va-t-il faire ? Demanda l'ancien notaire à Gabriel. « Je ne sais pas. » « Ainsi, » ajouta-t-elle, en achevant tout haut la pensée qui la hantait tout bas, « cette Abel a menti. »« Toujours menti. »